Bonsoir. Dans Autant n'emporte l'histoire aujourd'hui, 1786, quand Louis XVI voulut voir la mer. Le 21 juin 1786, à 5h du matin, Louis XVI, âgé de 32 ans, roi de France depuis 12 ans, monte dans un carrosse en compagnie de De Castries, son secrétaire d'État à la marine, et du marquis de Ségur, maréchal de France. La voiture, attelée de 4 chevaux, prend alors la route en direction de la Normandie. C'est le début d'une étonnante aventure. Le roi, contre l'avis de ses ministres, contre tous les usages de l'étiquette, a décidé de quitter la cour et son palais de Versailles pour se rendre en personne à Cherbourg, inspecter la construction d'un port qu'il a lui-même commandé. Louis XVI, le roi, on le sait, qui quelques années plus tard, sous la Révolution, ne réussira pas à sauver la monarchie et mourra guillotiné. Mais en 1786, quand il part à Cherbourg, Louis XVI est le roi qui a permis à la France de devenir une grande puissance navale. Un an plus tôt, c'est lui encore qui a initié l'expédition de la Pérouse dans le Pacifique. Ce départ pour Cherbourg est extraordinaire à plus d'un titre. C'est la première fois depuis son sacre à Reims que Louis XVI part en voyage. Et chose qui nous semble incroyable, ce roi de France, passionné de géographie et de marine, n'a jamais vu la mer. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Gérard de Cortanze, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes écrivain, l'auteur de nombreux romans, notamment de romans historiques, et dont le dernier, Le roi qui voulait voir la mer. Et c'est vous qui avez écrit l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes. Alors pour la postérité, évidemment, Louis XVI, c'est le roi qui n'a pas su réformer la France, qui a amené à la Révolution et à la chute de la monarchie. Le roi finalement de l'échec et au destin tragique, donc guillotiné en 1793. Mais c'est un autre Louis XVI que nous allons découvrir ce soir, grâce à vous. Un roi passionné de géographie, de navigation. C'est ça qui vous a intéressé chez lui ? Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que je crois qu'il y a un véritable mensonge historique, enfin un mensonge d'État, concernant la personne de Louis XVI. Et j'ai découvert ce mensonge au fur et à mesure où j'écrivais le livre, puisque le point de départ du livre, c'est de raconter cette aventure rocambolesque d'un roi qui n'est jamais sorti de son palais, qui n'a jamais voyagé, contrairement à ses prédécesseurs, qui n'est jamais allé au devant de son peuple, qui décide de traverser la Normandie. Le point de départ, c'est mon intérêt pour cette anecdote. C'est un très jeune enfant. Ses parents sont morts, son frère est mort, il est petit, il a 11 ans, et tous les jours, il monte sur les toits de Versailles pour essayer de voir de quel côté se trouve la mer. Parce que c'est quelqu'un qui sait tout des bateaux, qui sait tout de la mer, des courants, des mouvements, des vents, des étoiles, qui n'a jamais mis les pieds sur un bateau, qui n'a jamais vu la mer. Donc il va utiliser le prétexte de la visite de ce chantier à Cherbourg, en fait, pour aller voir cette chose merveilleuse, inconnue, extraordinaire, peuplée de monstres marins. Oui, c'est ce qu'il croit, ouais. Absolument. C'est étonnant, ça. C'est très, très étonnant. Parce que c'est un homme très cultivé. Il a fait des très bonnes études. Mais bien sûr. Alors, c'est là où je vous parle d'un mensonge. C'est-à-dire, un mensonge d'État, vous y allez fort. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un complot, là, carrément. Oui, hein. C'est-à-dire, en fait, alors, de la part de la Révolution française, bien entendu, mais de la part de la République. Qui après, par exemple, quelques petites choses. On le présente comme un roi grassouillet, petit. Il fait 1m90, il est osseux, grassouillet. Quand bien même serait-il grassouillet, voilà. Ça n'empêcherait pas. Oui, mais il fallait qu'il fût grassouillet. Ben, mais non, il est grand, il mesure 1m90. On le présente comme un vivant, comme a dit le duc de Gard, sur un fond d'ignorance. Alors, excusez du peu, il parle 5 langues. Et il parle l'anglais couramment, il lit Dante dans le texte, il traduit David Hume, il a eu les meilleurs professeurs de l'époque, professeurs de musique, professeurs de danse, de géographie, d'histoire, de mathématiques. C'est un très grand scientifique. Il a un laboratoire de chimie chez lui. Mais c'est un homme déconnecté quand même de la réalité. Et le fait qu'il n'ait jamais voyagé, c'est quand même surprenant. Non. C'est-à-dire, je pense qu'il est très en avance sur son temps. C'est un très grand réformateur, mais d'abord très mal entouré. empêtré dans toute une éducation, une histoire. Il vient de tout un fond monarchique pesant. Il a très bien compris qu'il fallait changer la société française, qu'elle était en train de changer. D'ailleurs, savez-vous que la première mesure essentielle qu'il voulait faire voter, adopter, c'est en 1774, c'est un tout jeune roi. Eh bien, il a l'idée d'abolir l'esclavage dans les colonies. Bien mais entendu. Mais il ne le fait pas. Mais il ne le fait pas. Il ne le fait pas parce qu'il est mal entouré, parce qu'il est trop jeune, parce que, voilà. Alors, il y a un certain nombre de choses qu'il ne fera pas. Mais en réalité, il y a aussi beaucoup de choses qu'il a faites et dont on ne parle jamais. Gérard de Cortanze, je propose qu'on poursuive tout à l'heure cette discussion. Tout de suite, 1786, quand Louis XVI voulut voir la mer, un texte de vous, Gérard de Cortanze, écrit spécialement pour Autant n'emporte l'histoire. La réalisation est signée Christophe Hoquet. C'est étrange tout de même. Moi qui sais tout des navires et des monstres marins, du régime des vents et des dernières découvertes scientifiques et techniques, je n'ai jamais embarqué sur un bateau ni vu la mer. Et si l'on accepte mon sacre à Reims en 1775, je n'ai jamais effectué un seul déplacement en province. Il faut dire que mon entourage ne m'y a guère encouragé. Ah, je me souviens. Quand j'étais enfant, je montais sur les toits et les terrasses du château de Versailles pour essayer d'apercevoir cette masse d'eau mystérieuse. Ah, la voir, ce serait un rêve d'enfant qui se réaliserait. Au château de Versailles, le 20 juin 1786, le roi, Louis XVI, fait venir à son cabinet son secrétaire d'État à la marine, Charles-Eugène de Castries, et Philippe-Henri de Ségur, maréchal de France. Messieurs, je vous ai réunis car je désire voyager. Sortir de Versailles ? Un déplacement dans les provinces de l'Est, sur nos frontières sans doute ? Grand Dieu, qu'irais-je y faire, monsieur le secrétaire d'État à la marine ? Y manger des navets blancs confits ? Dans celle du Sud-Ouest, Majesté ? Oserais-je vous le déconseiller ? Monsieur le maréchal de France, nous voilà donc face à un nouveau jeu, concurrent des Bourrimés, celui des quatre points cardinaux ? Chez nos voisins de Piémont-Sardaigne ? Cela n'a guère de sens. À Saint-Domingue, il semblerait que... Cela suffit, messieurs. Quel beau duo de perroquets. Je souhaite me rendre en Normandie, à Cherbourg. En Normandie ? À Cherbourg ? Oui, je vais visiter l'avancement de mon chantier. Un tel déplacement va coûter beaucoup d'argent. La cour va devoir vous accompagner. Marie-Antoinette elle-même... Marie-Antoinette ? Certainement pas, elle est enceinte. Quant à la cour, parlons-en. J'en ai soupé de cette noblesse d'ornement qui ne veut vivre au château, dans ses antichambres, ses salons, ses escaliers, que pour être sans cesse en présence du roi, pour voir en tout instant son visage et en être vue. Hôte perpétuel qui vit aux frais de l'État, qui assiste à mon lever, à ma messe, qui fait la haie dans les galeries quand je passe, qui prend part à mes jeux, qui se montre à mon coucher. Sire, l'étiquette exige un équipage très important. Point du tout. Ne m'accompagneront que deux personnes de la cour. Ainsi qu'un capitaine des gardes du corps, un premier gentilhomme de la chambre, un premier écuyer, mon chirurgien et mon médecin. Vous allez susciter des haines féroces et vous serez très mal protégé. Deux personnes. Ne pouvez-vous pas reconsidérer la question ? Deux personnes, c'est bien peu. Le choix va être drastique. Je pensais à vous. À vous deux, messieurs. Votre décision, sire, est la meilleure... La plus juste qui soit. Bien, l'affaire est donc entendue. J'ai dressé la carte de notre périple. Départ le 21 juin, arrivé à Cherbourg le 22. Nous y resterons jusqu'au 25. Le 26, nous sommes à Caen et le 27 au Havre. Le 28, nous dormons à Le Vaudreuil-Gaillon. Retour le 29. Mais le 21 ? Mais c'est demain, sire. Nous partirons du château de Rambouillet. Nous verrons le jour se lever. Bonsoir, messieurs. En juin 1786, Charles-Alexandre de Calonne est contrôleur général des finances depuis moins de 3 ans. La Pérouse est partie depuis un an du port de Brest pour une circumnavigation décidée et préparée par le roi en personne. La fameuse affaire du collier de la reine est devenue une comédie où le coupable, le cardinal de Rohan, est innocenté et la victime, Marie-Antoinette, désignée à la vindicte publique. Louis XVI a 32 ans et a su en quelques années faire de la marine française l'égale de la flotte anglaise. Traumatisé par la défaite de Tourville à la bataille de la Hougue, il a décidé de faire de Cherbourg une base navale et d'y aménager, au prix de travaux gigantesques pour l'époque, une rade équipée d'une digue puissante, de forts et de batteries. C'est ce chantier qu'il décide d'aller visiter. 21 juin 1786, au château de Rambouillet. Vous voyez, messieurs, vous y êtes arrivés. Équipage, chevaux, itinéraire, tout semblait parfait. La nuit fut courte. Pour tout le monde, Castries, pour tout le monde. Concernant l'itinéraire, nous avons suivi scrupuleusement votre plan. Parfait, tenez, en voici un autre. J'ai quelque peu modifié le trajet. Mais si... Allons, partons. On n'a pas de temps à perdre. Quand le cortège royal s'élance, il est 5h15 du matin. Un homme consciencieux et studieux, Louis a soigneusement préparé son voyage, tandis que sa voiture, attelée de 4 chevaux, cahote sur les routes en direction de la Normandie, il consulte les mémoires contenant les principales données économiques, militaires, historiques, folkloriques, des villes et des pays traversés. Poursuivant leur discussion de la veille, ses conseillers tentent une dernière fois de le faire changer d'avis. Il y a quelque chose de très pauvre et de malpropre chez ces peuplades du Cotentin. Elles sont comme tenues à l'écart de toute civilisation. La dégradation des chemins vicinaux est telle qu'elle apparaît comme une véritable source de misère. C'est une zone inhospitalière, habitée par... Des sauvages ? Oui, en quelque sorte. J'ajouterai, sire, que... Je vous écoute. Que la réforme a très fortement troublé ces terres qui se sont largement ouvertes au protestantisme. Bien des îlots persistent encore aujourd'hui, dans une Normandie qui ne cesse de réclamer le maintien de ses institutions anciennes et de ses états. Vous voyagerez en terre ennemie. Quel tableau ! Et vous, Ségur, vos paroles seront-elles de nature à éclaircir ce ciel d'orage ? Depuis l'aube des temps, la Normandie a vu son sol labouré par des peuples venus de Germanie, de Scandinavie, du Danemark. Ces envahisseurs sont arrivés avec leurs légendes, leurs traditions mythologiques. Les noms des lieux sont imbibés de ces survivances comme autant d'éponges gorgées d'eau. Marais, landes, berges des fleuves, forêts profondes sont le théâtre d'apparitions, de malédictions. Vous me faites un cours d'histoire. Pire, de sorcellerie, monsieur le maréchal de France. Et la langue, sire, la langue. À une époque où l'Académie royale des sciences et des belles lettres de Berlin vient d'attribuer son prix de l'universalité de la langue française à Rivarol, pour un mémoire dans lequel il démontre la supériorité de cette dernière, voyager en terre normande, c'est cautionner son jargon, cette langue barbare, si douloureuse aux oreilles bien nées. J'ajouterais que le paysage normand n'est décrit dans nos livres de géographie qu'en termes négatifs. Plaines sinistres, forêts lugubres... Falaises mortelles. Plage monotone. Messieurs, rien ne me fera changer d'avis. Vos propos apocalyptiques m'ennuient. Je propose que nous nous assoupissions, la route s'annonce longue. La route en effet est longue et personne ne dort. Cela d'autant plus qu'à chaque ville traversée, un extraordinaire contact s'établit entre le monarque et les populations locales. La bonhomie du roi et sa spontanéité naturelle font merveille. À Oudan, on l'applaudit. À L'Aigle, un aubergiste lui donne l'accolade. À Falaise, un essaim de jeune fille l'accueille en lui jetant des fleurs, bloquant le convoi. Tout le monde veut toucher le monarque, lui parler, et tout le long de la route fusent des « Vive le roi, gloire à notre bon roi ». Fourbu mais heureux, Louis XVI passe sa première nuit loin de Versailles, au château d'Harcourt. Mon Dieu, comme ce peuple m'aime, mais comme il semble pauvre, démuni. Pourquoi m'a-t-on à ce point caché son malheureux état ? Qui dans mon entourage a donc si à craindre que quelque homme vrai ose me parler et me présente les abus et les injustices qu'on perpétue en mon nom ? Tout cela doit cesser. Un parti hostile, puissant, nuit à ses retrouvailles. Sous prétexte du bien public, il sert avant tout ses passions et ses jalousies, travaille à ses seuls intérêts. Pourquoi ai-je-t-on attendu avant d'aller à la rencontre de la France ? Le lendemain matin, le cortège part très tôt. La même joie se manifeste tout au long du parcours. Mais à hauteur de Bretteville, le convoi s'arrête brusquement. Que se passe-t-il ? Un homme nous empêche de passer. Un homme à lui seul pour stopper plusieurs carrosses ? On le fouette. Qu'on le jette en prison. Monsieur, gardez votre calme. Il ne me semble pas bien dangereux. D'où viens-tu ? De la forêt. Comment t'appelles-tu ? On me nomme Gapierre. Et que fais-tu, Gapierre ? Je travaille au champ. Alors pourquoi te caches-tu dans la forêt ? J'y ramasse du bois mort pour me chauffer. Tu aimes ta vie de paysan ? Elle est dure, très. Il y a de la justice, monseigneur. Sire, prenez garde. Je vous en prie, partons. Tout cela a un goût de sédition, majesté. Taisez-vous, messieurs. Si vous craignez tant pour votre vie, allez vous cacher sous le carrosse. Que puis-je faire pour toi, Gapierre ? Le sort des paysans comme moi est partout à peu près le même. Nous avons à peine du pain à manger, de l'eau à boire et de la paille pour nous coucher. Notre état est pire que celui des sauvages de l'Amérique. Et il y a la corvée. Précise ta pensée. Il faut la supprimer. C'est injuste. Ça tombe toujours sur les plus pauvres. Ceux qui n'ont de propriété que leurs bras. Les propriétaires, ils font rien. Et c'est eux qui utilisent les chemins. Pendant qu'on transporte des cailloux sur les routes, on n'a pas le temps de cultiver les champs. C'est pas le clergé et la noblesse qui vont s'y mettre, hein ? L'inégalité entre les hommes est d'origine divine. Rien ne doit changer dans la société d'ordre telle qu'elle existe dans le royaume de France depuis des siècles. Ségur, vous voulez provoquer une émeute ? Je vous promets de faire quelque chose pour vous et vos semblables. Nous repartons. Merci. Allez, mon brave. Je savais bien, messieurs, qu'il fallait maintenir l'abolition de la corvée. Il faut la remplacer par un impôt qui frapperait tous les propriétaires, y compris les nobles et le clergé. Je n'aurais jamais dû revenir sur la loi de 1775. Si, vous étiez si jeune. Oui, je l'étais encore plus lorsqu'un an plus tôt, j'ai voulu supprimer l'esclavage dans les colonies. Et ce sont des gens comme vous qui m'en ont empêché. J'en aurai beaucoup de regrets. La justice sociale, c'est cela qu'il faut développer. Quel singulier concept. Justice sociale. Curieux, en effet. Inadéquat. Nous en reparlerons à Versailles, dès notre retour. Justice sociale. Il faut développer cette idée, je vous dis. Arrivé à Cherbourg à la nuit tombée, il est plus de 22h30, le roi doit participer à un dîner organisé par les autorités locales. Toute la noblesse de la région y a été conviée. Contre toute attente, Louis décide de se rendre dans une petite auberge. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Qu'avez-vous à nous proposer ? Du pain de ménage, du vin, des écrevisses qui viennent de la rivière et qui sont les meilleures du monde. Du beurre qui sort tout juste de la baratte et un fromage qu'on trouve qu'ici, une invention de la mère Harel, le camembert. Ben pour tout ça et pour le camembert de la mère Harel. Et pour ces messieurs ? Serre-les à une autre table. Et reviens causer avec moi, à ma table. Ton nom ? Marie. Parle-moi de toi, Marie. Tu as un homme ? Oui. Des enfants ? 7. Ton travail te plaît ici, à l'auberge ? Oui. Tu as des choses que tu voudrais voir changer ? Beaucoup. Ben, dis-moi. Mais surtout deux. Dis-moi, dis-moi. La première, c'est la pension. Juste que pour toucher leur pension, les femmes mariées doivent demander l'autorisation de leur mari. D'accord, je changerai cette loi. Et la deuxième ? Je suis protestante. Vous avez exempté les juifs de l'impôt corporel. Faites un geste pour les protestants. Vous ne pourriez pas nous donner l'accès à l'état civil ? Ça serait juste. Accordé, Marie. Merci pour tes remarques. Et ton repas était merveilleux. Et dis à la mère Harel que son invention est un délice. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Cyril, il faut briser là. Demain, nous nous levons très tôt. Au revoir, Marie. Que de réformes à entreprendre. C'est s'attaquer à forte partie, mais qu'importe. Après tout, au tout début de mon règne, même ce diable de Voltaire m'avait tressé des couronnes en affirmant que j'étais le premier d'une longue lignée à avoir pris le parti de mon peuple. Pourquoi ne pas continuer ? C'est à cela que doit servir ce voyage normand, et tous ceux que je veux entreprendre après lui, à écouter mon peuple, sans intermédiaire. Et pourquoi pas à faire de cette monarchie traditionnelle une démocratie royale présidée par un souverain vertueux. Je le sens bien. Mon cœur et ma raison me le disent, le vieil édifice monarchique est en train de s'effriter. Il faut que toute cette société d'ordre, de coutumes, de castes, de privilèges, d'exemptions bouge, sinon la monarchie disparaîtra. Allez, dans 2 heures, je dois me lever, et bientôt je verrai la mer. Cette étendue si mystérieuse, si profonde, où l'on doit sans doute voir des choses qui ne sont pas et entendre des bruits que l'on ne connaît pas. Peut-être même des monstres. Cette nuit-là, le roi dort peu. Sur pied à 3 heures du matin, après avoir assisté à une messe, il lui faut profiter de la marée montante pour assister à l'immersion d'un cône en bois de chêne de 20 mètres de haut et de 50 mètres de diamètre, premier élément d'une digue qui devrait en compter 90. Il a revêtu son habit écarlate de lieutenant général des armées navales, brodé de lis d'or, enfilé sa culotte de même couleur et un gilet chamois boutonné de diamants. Des bas blancs immaculés enserrent ses mollets. Mais dans l'aurore naissante, alors que tonnent des salves d'artillerie et que le monstre, lesté de plusieurs milliers de tonnes de pierre, s'enfonce lentement dans les eaux, un incident interrompt la cérémonie. Un ouvrier, grièvement blessé, agonise sous les yeux du souverain. Ne peut-on pas porter secours à ce malheureux ? Castries, faites signe à mon chirurgien et mon médecin d'intervenir immédiatement. Ils ne sont qu'à quelques mètres de l'accident. Que voyez-vous ? Difficile à dire, Majesté. Passez-moi votre longue vue. Quel malheur. On me fait signe que c'est fini. Un homme est mort. Ségur ! Oui, sire. Notez de ne pas oublier d'accorder, sur les fonds des Invalides, une pension à la veuve de l'ouvrier, s'il en a une. Cette manie des interventions charitables. Il ne faut rien attendre d'un souverain qui a créé un monde piété pour venir en aide aux petites gens, aider l'abbé de l'Épée dans son œuvre pour l'éducation des sourds-muets, et décider de faire construire à ses frais des infirmeries dans les prisons. Et l'aménagement de l'hôtel Dieu, pour que chaque malade ait son lieu individuel. Ses faiblesses le perdront. Et nous perdons. Et pourquoi avoir supprimé le caractère héréditaire des charges ? Quelle trahison ! Pourquoi pas abolir les privilèges ? Que marmonnez-vous, monsieur ? Que toute cette houle, cet air vif et la perspective de monter sur ce rafio ne nous disent rien qui vaille. Comme vous y allez, messieurs. Henri de la Voûte, capitaine du Patriote, ce rafio. Veuillez excuser ces deux mécréants. Le Patriote, un fleuron de la Royale, un 74 canons pourvu de 2 ponts et d'une coque dernier cri, doublée de métal. 55,763 mètres de long pour 14,30 mètres de large et 6,98 de creux. Quel est le programme de la journée ? Inspection de la fosse du Galet où l'on envisage de creuser un bassin. Vous avez de la chance, sire. Il fait un temps magnifique. En septembre, cela eût été impossible. La marée est si forte que des montagnes d'eau s'élèvent de l'horizon et s'écroulent sur les rochers. La mer est couleur d'encre et galope sous un ciel livide. Bon, la journée finie, j'aimerais vous inviter dans mes appartements à venir déguster un des chocolats de Maître Sulpice de Beauve, le chocolatier de Marie-Antoinette. Il semblerait que le bougre ait délaissé la fleur d'oranger et l'amande douce pour mêler à son breuvage de la poussière d'ambre à de la poudre de cachalot fossilisé. Tout un programme. Vos désirs sont des ordres, sire. Bien que mon palais ne soit pas habitué à de telles douceurs. Capitaine, quel plaisir de vous recevoir. Parlez-moi de vous. Oh, c'est trop d'honneur, sire. Je vous écoute. J'ai semé du blé et de l'orge à Tahiti, avec Bougainville, et navigué sur les bateaux de Cook quand il a établi la première carte précise du Pacifique. Mais surtout, j'ai participé, sous le commandement de Suffren, à la guerre d'indépendance des États-Unis. Que de souvenirs. Oui, je connaissais cette dernière partie de votre vie. Mais dites-moi, la première fois que vous avez pris la mer, c'était comment ? J'ai erré sur le bateau, perdu comme une embarcation portant sa voilure et dont aucun timonier ne tient la barre. Vous savez, si j'avais alors compris qu'un marin apprend tous les jours et qu'il n'en aura jamais fini avec la mer, j'aurais renoncé. Mais vous n'avez pas renoncé. Non, mais, mon Dieu, qu'il faut être fort. Et vous devenez fort quand vous commencez à comprendre que la mer est autre chose qu'une simple masse d'eau. Il y a en elle des mouvements qui ont un sens, et dans le ciel et dans le vent des messages à déchiffrer. Et puis on ne renonce pas à la mer, jamais. Au début, on peut prendre ça pour un jeu, mais très vite, la mer et le navire font de vous leur esclave consentant. Il arrive un jour où vous croyez les dominer, être leur maître, mais c'est faux. On ne possède pas la mer, on est possédé par elle. Oui, on a toujours à apprendre d'elle. C'est étrange pour un roi qui n'a jamais vu la mer, qui n'est jamais monté sur un bateau, vous parlez comme un marin. C'est sans doute mon drame et ma richesse. Vous avez la mer, j'ai le peuple de France. J'ai toujours à apprendre de lui. Je ne le posséderai jamais, il me possédera toujours. Puis-je vous poser une question, sire? Avez-vous des nouvelles de monsieur de la Pérouse? Je ne cesse d'y penser. Voilà moins d'un an qu'il est parti. Comme vous savez, la boussole et l'astrolabe ont quitté Brest en août 1785. Ils ont franchi le Cap Horn, ont fait mouillage dans l'anse de Talcahuana en mars, escale à l'île de Pâques en avril et se dirigeaient vers les îles Sandwich. Depuis, on ne sait rien. Et si... Et si quoi? Si vous n'aviez été roi, vous seriez parti à ses côtés. Je répondrai à cette question lorsque nous nous connaîtrons mieux, je vous le promets. À mon tour de vous poser une nouvelle question. Le peu que j'ai vu de la mer aujourd'hui m'a bouleversé. Les rayons naissants du soleil donnaient à ce lac d'émeraude une beauté sans pareille. Ce que vous avez vu aujourd'hui ressemble par trop à un tableau de Nicolas Ozan. Un tableau un peu trop calme. En réalité, vous n'avez encore rien vu de la mer. Ce lac où nulle brise ne souffle, où les voiles pendent droites le long des mâts, où les bateaux se soulèvent à peine sur des flots presque immobiles qui se gonflent et s'abaissent avec le doux mouvement d'une poitrine endormie, cela n'est pas la mer. Demain, on prévoit de la tempête. Si elle est assez forte, alors vous verrez. À partir de cet instant, rien ne sera plus comme avant. Et votre cœur battra à vous défoncer la poitrine. Le lendemain, Louis en personne commande les évolutions du Patriote au milieu d'une flottille de 20 frégates et corvettes. On va même jusqu'à simuler une bataille navale avec navires pris à l'abordage et contraints d'amener leurs pavillons, dématages et autres tableaux spectaculaires au milieu d'une canonnade des plus vives, mais surtout, on s'approche des côtes anglaises. Vous connaissez toute la marine, même le vocabulaire. On tente une abattée? Où va nous mener ce vent? En Angleterre, sire. Nous y sommes reçus à bras ouverts. Et je propose qu'on reprenne le chemin de Cherbourg. Vous voyez, c'est éclairci à bâbord. Oui. Le vent va tomber. D'accord. On en aura juste assez pour rentrer. On a préparé un ambigu dans ma cabine. Quelques représentants de la noblesse vous y attendent, ainsi que messieurs. L'amiral de France et le secrétaire d'État à la marine. Ne pourrait-on pas plutôt manger avec les marins? Comme vous voulez, sire. Messieurs. Alors, voilà, sire. Oui. Un pâté de poisson salé, la ressource principale des marins en mer. Je peux y goûter? Je vous en prie, sire. Messieurs, je vous le dis, je préfère ce pâté à tous ceux de Versailles. Pourquoi a-t-il fallu que je traverse la Normandie et que je monte à bord de ce bateau, au milieu des marins, que je mange ma tranche de pâté de poisson pour que je comprenne que le péril ce n'est pas le peuple? Le vrai danger vient d'ailleurs, des grands seigneurs, des courtisans, des bourgeois de Paris et des grandes villes, du clergé et de la bourgeoisie moyenne qui suivent les philosophes les yeux fermés. Ceux-là méprisent également et le roi et le peuple et ne veulent rien d'autre que le pouvoir. Pourquoi m'a-t-il fallu tout ce temps pour comprendre que la cour et Paris m'étaient franchement hostiles et n'étaient pas toute la France? Comment ai-je pu confondre à ce point les humeurs des gazetiers, les engouements des courtisans, les tirades des grandes consciences avec la véritable opinion publique? Cela fait trop longtemps que j'ignore tout des vrais sentiments et des vrais désirs de mes sujets. Je me suis trompé avec Choiseul, comme je me suis trompé avec Turgot. Tout ce temps mis à me poser enfin les vraies questions. Mais n'est-il pas trop tard pour changer tout cela? Le dernier jour à Cherbourg, Louis XVI le consacre à une reconnaissance le long des côtes afin de vérifier les lignes de batterie et les forts de défense. Il longe les jetées, visite une Cayenne, s'intéresse au fonctionnement d'un pont tournant, d'une écluse. Accoste à bord de la frégate, la Félicité, du Cotre, le Malin, et de la Junon, un 40 canons. le secrétaire d'État à la marine ne reconnaît pas le monarque indécis et effacé qu'il croise à Versailles. Il dit « Le roi est ému de se sentir aimé, ce n'est plus le même homme ». Le 26 juin au matin, il reprend la route, passe par Caen et par Honfleur. Pour rejoindre le Havre, il monte à bord de l'Anonyme, une frégate frappée d'une fleur de lys rouge sur son pavillon de poupe. C'est là qu'il fait ses adieux à la mer. C'est donc la dernière fois que je vois la mer, capitaine. Vous vous dites que cela a passé trop vite? Assez cependant pour m'apprendre beaucoup, sur la mer et sur les hommes. Tout cet enchevêtrement de courants, de vents contraires, de variations soudaines, sont autant de fluctuations que l'océan partage avec les hommes. Un univers trop rude? Impitoyable, formateur. La mer est honnête, sire, respectable, même dans ses fureurs. Si éloignée du bon ton, pratiquée avec tant d'art et de délicatesse dans nos salons. La médisance, la calomnie, le persiflage, cette affaire de femmes n'ont pas de raison d'être sur la mer. La mer est pure comme le peuple. Je peux vous faire une confidence. Ah, vous me faites trop d'honneur, sire. Il m'arrive parfois de douter. Pensez-vous que mon désir d'expédier outre-mer, non seulement des militaires et des colons, mais aussi et surtout des savants, des géomètres, des scientifiques, est une bonne chose? Bien évidemment. Vous avez bien financé les frères montgolfiers. À vous, je peux bien le dire. À Versailles, on me prend pour un fou. Je suis sûr que dans les siècles futurs, l'homme se déplacera dans les airs et rivalisera avec les oiseaux. C'est audacieux, mais cela porte au rêve. Ce qui l'est moins... Quoi? Vous osez? J'adore faire des niches, capitaine. Mais... Alors, quelle est votre objection? La vapeur, sire. La vapeur? En finançant l'adaptation de la machine à la navigation, vous préparez la mort de la marine à voile. Ne faut-il pas au moins cela pour tuer l'anglais et ses vaisseaux? Et puis la science, les techniques, la connaissance me fascinent. Sire, je m'incline. Un jour, on se souviendra de vous comme d'un roi qui a mis au-dessus de l'intérêt des hommes et des intérêts particuliers des États l'universalité de la volonté de savoir. La science s'impose aux nations. La science est par-dessus les nations. Puis-je vous demander une faveur? Sire, le roi de France ne peut demander une faveur à l'un de ses sujets. Voulez-vous venir à Versailles à mes côtés? Qu'y ferais-je? J'y croiserai trop de marquis et de princes. Je les ai côtoyés de près durant votre séjour normand et... Il ne me donne pas très envie de vous rejoindre à Versailles. Et puis, je ne peux m'éloigner trop longtemps de la mer. Elle est toute ma vie. J'ai besoin de ses fureurs, de ses douceurs. J'ai besoin d'entendre le bruit des vagues quand je mourrai. Comme je vous comprends. Sire, je n'ai rien eu de plus beau dans ma vie que ma rencontre avec vous. Après la mer, bien sûr. Je ne suis pas loin de penser la même chose. Sire ! Je vous fais la promesse de revenir à Cherbourg. Sire. Incognito, sans mes conseillers. Comme voulez-vous. Il faudrait vous hâter, sire. Nous devons être à l'hôtel de ville du Havre avant la nuit. Un souper nous y attend. Capitaine. Ségur. Oui, sire. Félicitez mes hôtes pour la qualité de ce souper. Dites-leur bien que le roi a été satisfait et qu'il désire se retirer maintenant dans ses appartements. Castries, oui. Veuillez prendre note. Le roi ordonne de gracier les trois déserteurs dont Madame de Ferjac lui a parlé. Il donne des subsides à la ville, aux ouvriers du port, et double la paie des soldats de la garnison pendant 6 semaines. Bonne nuit, messieurs. Bonne nuit, sire. Louis XVI quitte le Havre pour Rouen le mercredi 28 juin à 10h. Un programme chargé l'attend. Il doit se rendre à la cathédrale pour y recevoir la bénédiction. À l'archevêché, les chanoines lui offrent du pain et du vin. Après avoir parcouru toute la ville à pied, au milieu d'arcs de triomphe dressés pour l'occasion et d'une foule immense qui l'acclame, lançant en l'air ses chapeaux et ses bonnets, remarque un témoin, il préside un repas de 56 couverts. Il doit, le lendemain, retrouver Versailles. Que se passe-t-il? Rien, sire. Nous sommes à Vernon, où doit avoir lieu le premier changement d'attelage. Nous descendons nous dégourdir les jambes. Ah, vous m'aviez prédit des paysages sombres, des plaines sinistres, des forêts lugubres, des marais infestées de démons. Mais regardez, messieurs. jouissez une dernière fois des paysages normands. Ces herbes, ces champs, cette grande fertilité. Ah, regardez ces haies, si admirablement plantées. Cette terre harmonieusement divisée en enclos et si richement boisée. Quelle belle France que voici. Et quel bonheur que ce soleil qui brille sur cette campagne couverte de blé jaune. Les choses sérieuses vont enfin pouvoir recommencer. Qu'entendez-vous par choses sérieuses ? Nous voulons dire les affaires de l'État. Quelle entente. Quand je pose une question à l'un, c'est l'autre qui répond. C'est un complot. Ce voyage ne constitue-t-il pas une manière efficace de les gérer, les affaires de l'État ? Bien sûr, sire. Oui, vous avez parfaitement raison. Vous n'en pensez pas un mot, messieurs. La prochaine fois, je voyagerai seul. Il y aura vraiment d'autres voyages, sire ? Je préfère ne pas répondre à une telle impertinence. Il me semble que les chevaux sont prêts. Repartons. Empruntant toujours la route de Vernon, le convoi s'arrête successivement à Bonnières, Mantes, Melan, où se tiennent en réserve postillons et chevaux frais. À hauteur de Triel-sur-Seine, un rassemblement de plusieurs hommes et de femmes tente d'arrêter le cortège, adressant aux voyageurs des insultes et jetant des pierres sur les carrosses. Le rêve normand est bien terminé. Un mirage, comme ceux, dit-on, qui perdent les voyageurs dans le désert. Il faut écouter le peuple, messieurs. Nous n'avons pas assez fait. Si j'en avais eu le courage, je serais descendu parler avec ces gens. Le peuple en veut toujours plus. Vous êtes des cœurs secs. Rien n'est plus doux que le spectacle d'une nation exaltée par des sentiments généreux. L'enthousiasme dans le peuple est dangereux, car il ne connaît pas d'intervalle entre les extrêmes. Et d'un excès à l'autre, il peut se laisser emporter par la passion du moment. Ce peuple, qui a essayé d'arrêter notre carrosse, un jour il descendra dans les rues des villes. Il envahira les champs, il exigera davantage de liberté. N'est-il pas dans son droit, Ségur ? Et d'après vous, ce jour est-il proche, monsieur le nécromancien ? Ce peuple fanatisé se précipitera en furie à travers les plus grands excès. Et nous ne pourrons faire taire ses exigences en lui donnant quelques louis. Eh bien, ce jour n'est pas encore arrivé. Une fois rentré à Versailles, il faudra que nous songions à satisfaire certaines exigences de ce bon peuple. J'ai quelques grandes idées que j'aimerais mettre à exécution, comme la création, dans tout le royaume, d'assemblées provinciales, de bailliages et de paroisses, élus, et très important, le doublement au sein de ces assemblées de la représentation du tiers-État. Choisir une nouvelle façon, plus équitable, d'élire ses députés. Les électeurs devraient pouvoir eux-mêmes rédiger des cahiers de doléances. Ni le clergé, ni la noblesse ne vous suivront, sire. Ces mesures concernent 26 millions d'âmes. La noblesse en compte 400 000, le clergé 130, la tâche est immense. Ah, j'oubliais. Notez, Ségur, notez. Il faudra abolir la torture. Quoi ? Cette ignominie. Et abolir les justices seigneuriales et les justices d'exception. C'est une véritable révolution que vous nous proposez là. Ah, et une autre mesure qui va vous sembler inutile. Il faut créer un musée de peinture et de sculpture, au Louvre. Au Louvre ? Oui, et ouvert à tous, au peuple. Et puis, Orange et Nîmes. Orange et Nîmes ? Les marchands protestants, ils sont très puissants. Non, je ne vous parle pas de cela. Les ruines romaines. Il faut les sauver, les restaurer, c'est notre histoire. Les ruines romaines ? Allez, messieurs. Dans moins d'une heure, vous allez retrouver le calme amidonné de Versailles, ses ors, ses intrigues, son air étouffant. Vous serez de nouveau dans votre élément, bien à l'abri de ce peuple qui vous fait si peur. Mais je vous le dis, dès demain, attelons-nous aux réformes. Il faut sans hésiter que la France prenne un tournant égalitaire. Il faut des avancées sociales, administratives et fiscales. Qu'est-ce que c'est ? Oui, c'est cela, changeons de sujet, n'est-ce pas ? Caronia tritonis. Un coquillage communément appelé triton conque. Un souvenir de Cherbourg. Triton conque ? Mettez votre oreille contre elle. Vous allez entendre la mer. En 1786, quand Louis XVI voulut voir la mer de Gérard de Cortanze, avec Louis XVI, François Le Riquet, le marquis de Ségur, Gabriel Dufay, le marquis de Castries, Thibault Lacroix, le capitaine de la voûte, Grégoire Mont-Saint-Jean, la servante, Andréa Brusque, le paysan, Julien Higuerix, bruitage, Bertrand Amiel, prise de son, montage et mixage, Manuel Couturier et Éric Villenfin, assistante à la réalisation, Anissa Zidna, réalisation, Christophe Hoquet. Écoutez, autant n'importe l'histoire sur France Inter. On reprend dans quelques minutes la discussion sur Louis XVI et la mer avec mon invité Gérard de Cortanze. Si j'étais un oiseau, je survolerai les villes, je survolerai les campagnes, les parkings, d'autres parkings, des monuments, des chantiers, je survolerai des chantiers. J'étais un oiseau, même un tout petit, je survolerais le pays avec le vent, avec les nuages, avec les avions de chasse, les avions de chasse. Je volerai les vignes, je mangerai les raisins, je chierai les pépins le long des cours d'eau si j'étais un oiseau. Si j'étais un oiseau, je suis qu'un serpent et ma vie est à terre. Mon ventre est sur la pierre où je ferai ma tombe. Je ne suis qu'un serpent et de muse en muse, de prairies en prairies. Mes hécatombes, d'ailleurs je mange les œufs de colombe. Cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui. Si j'étais un oiseau, cui, cui, cui, cui, cui, cui, cui. Si j'étais un oiseau. Oiseau de Tigre d'eau douce et Bertrand Belin sur France Inter. Autant en emporte l'histoire est réalisé par Anne Weinfeld, assistée d'Emmanuel Fournier. Programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Maxime Goudard. Gérard de Cortanze, grâce à vous, on a découvert un Louis XVI méconnu, touchant, humain, mais aussi entreprenant, novateur, loin de l'image traditionnelle du roi empêtré, pour ne pas dire momifié, dans les ors de Versailles et de la monarchie absolue. Dites-moi, vous n'avez rien inventé ? Je n'ai absolument rien inventé et je dois préciser que je ne suis ni nostalgique de la monarchie, ni royaliste, non. Et que je ne suis pas historien. Mm-hmm. Mais vous avez travaillé sur les archives. Travaillé sur les archives. Alors il y a très peu de choses. Hein, quand on voit la tonne de livres écrits sur Louis XVI, ben oui. On fait très très peu référence à ce voyage à Cherbourg. Mais qui vraiment aurait pu changer les choses. Alors c'est la grande question au fond. Pourquoi est-ce que ce roi visionnaire, qui comprend son époque, qui comprend son peuple, pourquoi n'a-t-il pas pu changer les choses ? Pourquoi au fond, d'une certaine façon, a-t-il baissé les bras ? Alors moi je crois qu'il était très mal entouré. Mmh. Par exemple, il y a un intérêt chez lui très moderne pour la la technologie. Quand il finance les recherches des frères Montgolfier, quand il fait passer les machines à vapeur sur la marine à voile, il est tourné vers l'avenir. Donc, comment dire, il y a vraiment deux pôles chez lui. Le côté visionnaire et le côté, comment dire, très, très proche de la population. C'est quelqu'un... Enfin, il est proche là, mais en même temps, il voit jamais les gens. Oui, il voit jamais les gens, mais il y a un certain nombre de il a un intérêt pour ce qu'on appellerait aujourd'hui les exclus, par exemple. Ça, c'est très important. C'est le premier roi qui finance sur son propre argent les recherches sur les aveugles, les recherches sur les sourds et muets. C'est le premier qui s'aperçoit que dans les prisons, il n'y a pas d'hôpitaux. Mais il dit c'est totalement inadmissible. Donc il crée des hôpitaux dans les prisons. Les hôpitaux pour les enfants malades, il les crée. Les sapeurs-pompiers de Paris, enfin c'est des choses, comment dire, quotidiennes. Et en même temps, il est capable de dire, mais le patrimoine Arles, Nîmes, il faut restaurer tout ça. Donc il a une vision très... globale. Très globale et très intéressante de cette société. Quand il crée tout ce qui concerne les provinces pour contrebalancer le Parlement, il a en fait en ligne de mire une sorte de décentralisation. Parce qu'il s'aperçoit qu'au fond, ce sont les parlements qui décident du haut de Paris. Et lui, il dit, mais non, ça, ce n'est pas bon. Il faut que les projets de changement de société viennent du bas, viennent des provinces. Et les parlements, systématiquement, vont bloquer tout ce qui va venir des régions. Donc, ce que vous voulez dire, c'est que toutes ces réformes qu'il souhaite, il ne peut pas les mener à bout. Enfin, certaines, oui, mais... Certaines, oui. Parce qu'il est empêché, c'est ça que vous voulez dire. Il a pu en mener de très, très, très importantes. L'abolition de la torture, c'est essentiel. La suppression de l'impôt corporel sur les Juifs, c'est essentiel. Le code civil pour les protestants, c'est essentiel. L'abolition de la corvée, c'est essentiel. La nouvelle répartition des impôts. Dans le texte que vous avez écrit, Gérard de Cortanze, vous dites qu'il souhaite transformer la monarchie traditionnelle en une démocratie royale, présidée par un souverain vertueux. Vous évoquez des avancées sociales, il parle d'un tournant égalitaire. Est-ce que ce sont vraiment des mots a utilisés? Il a écrit entre 12 et 15 ans une série de réflexions. Il avait 12 ans. Oui, entre 12 et 15 ans. Oui. Est-ce qu'il pense ça encore en 1786? En tout cas, c'est dans les textes, c'est très intéressant. Le terme de justice sociale, c'est lui qui l'invente. Ouais. Il dit, il faut, avant Louis XVI, le terme le concept de justice sociale n'existait pas. Mais je veux dire, il y a une telle pesanteur dans la société de l'époque. Les cahiers de doléances, c'est pas la révolution. Moi, je pense vraiment, c'est pas une question de vocabulaire. Je pense que le vrai révolutionnaire, mais sans doute adapté à son temps, car trop en avance, c'était lui. Je pense qu'il est beaucoup plus en avance sur son temps que la plupart des révolutionnaires de son époque. Et là encore, je crois que l'impossibilité chez lui de transformer ça en réforme, de façon à transformer le pays, vient sans doute d'une forme d'inadaptation, alors qui vient de traumatisme d'enfance, qui vient de son éducation, qui vient des pesanteurs et de l'entourage. C'est-à-dire que il y a une sorte d'alliance objective entre le clergé, la noblesse et la bourgeoisie montante, qui ne veulent pas, d'une certaine façon, que les choses changent. Et les choses, évidemment... Ce n'est pas la bourgeoisie qui va faire la révolution, c'est quand même elle qui fait la révolution en 1789. C'est une minorité, mais de toute façon, comment dire, le peuple, comme dans toutes ces révolutions, ça reste le dindon de la farce. Est-ce que le peuple est devenu plus heureux après la révolution? Je suis pas certain de ça. Ce sont toujours les mêmes qui restent finalement au pouvoir. Et donc cet épisode du voyage à Cherbourg, on a l'impression que c'est une tentative et puis que voilà, Louis XVI retourne dans sa boîte à Versailles. Exactement. Il retourne avec les conseillers, la cour, la noblesse réfractaire à toute réforme, qui reprennent le pouvoir. Est-ce qu'on peut parler d'un rendez-vous manqué avec le peuple, amorcé trop tardivement? Voilà, ce qui est très étonnant dans ce voyage, c'est que par exemple la ville de Cherbourg à l'époque, comptait environ 2500 habitants. Il y en a 50 000. Et ça, c'est pas une invention de Gérard de Cortanze, écrivain. Ce sont les textes. C'est-à-dire que les témoignages sur ce voyage à Cherbourg, les témoignages sur ce périple, parce qu'il part de Rambouillet, il va presqu'île de Cotentin, Cherbourg, Rouen, Le Havre, il revient, il traverse toute la Normandie. Eh bien, c'est un succès mais phénoménal. Et toutes les anecdotes que je peux raconter dans le roman et que je raconte en partie dans la fiction sont des choses qui ont existé. Le pain de poisson, ce n'est pas une invention du romancier, c'est exact. Écoutez, pour le lancement du livre, j'ai fait un voyage en Belgique. Il y a un journaliste belge qui m'a dit une chose très intéressante. Il m'a dit, au fond, quand on lit votre livre, on se dit que Louis XVI, aujourd'hui, il aurait sans doute été dialogué avec les Gilets jaunes. Et je pense qu'il y a quelque chose, de cela dans ce roi, même si effectivement, il y a un échec. Évidemment. L'épisode de Cherbourg est quand même microscopique. C'est microscopique. Par rapport au règne de Louis XVI et par rapport à la monarchie absolue. Il y a quelques observateurs qui ont dit que c'était l'événement le plus important de son règne. C'est intéressant. Ouais. Celui qui, évidemment, dit que c'est l'événement le plus insignifiant, c'est Napoléon, dans ses mémoires. Donc, quelques années plus tard, après ce voyage, il n'y restera plus rien du port de Cherbourg, balayé par la mer indifférente. Et la Révolution, évidemment, conduira le roi à la guillotine le 21 janvier 1793. Une exécution, je crois, qui fera grande impression à Cherbourg. Oui, bien sûr, et que dans toute la France et dans toute l'Europe. Et là encore, on a, je vous parlais d'un mensonge en début d'émission, mais là encore, on a été raconté que ce roi avait peur de monter sur l'échafaud, qui s'est conduit de façon ignoble, qu'il tremblait. Et le bourreau, dans ses mémoires, à la fin de sa vie, en avait tellement assez qu'on ne dise pas la vérité, qu'il a écrit un témoignage où il raconte comment ce roi était d'une dignité absolument exemplaire. Et ça en dit long sur ce personnage qui, je crois, était vraiment quelqu'un tout à fait exceptionnel. Et là encore, je le dis, comment dire, d'autant plus simplement que je ne suis absolument pas nostalgique de la monarchie. Et quand je me dis que ce roi qui est mort guillotiné en 93 aurait pu vivre jusqu'en 1831 s'il avait vécu aussi longtemps que Louis XIV, peut-être aurait-il, mis en mesure, enfin, toutes les réformes qu'il envisageait, la France aurait été transformée de façon peut-être moins sanglante, parce que la Révolution, ça a amené Napoléon, ça a ensanglanté l'Europe, parce que je ne suis pas monarchiste, mais je suis italien, et je sais ce que c'est que l'intervention de Napoléon Bonaparte en Italie. Voilà, eh bien, on peut imaginer beaucoup de choses que serait devenue la France sans la Révolution. Voilà, on peut toujours imaginer. Merci beaucoup, Gérard de Cortanze. Je conseille la lecture de votre roman, Le Roi qui voulait voir la mer, publié chez Albin Michel. À lire également Des vaisseaux et des hommes, La marine de Louis XV et de Louis XVI, de Patrick Villiers, publié chez Fayard. Autant n'importe l'histoire, c'est terminé pour ce soir. Vous pouvez réécouter cette émission, bien sûr, la podcaster sur notre site franceinter.fr où j'attends vos commentaires, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, nous serons en compagnie de Stendhal, lorsqu'en 1838, il entame l'écriture de son chef-d'œuvre, La Chartreuse de Parme. L'occasion de revenir sur ses années de jeunesse, lorsque Stendhal s'appelait encore Henri Bell, et qu'il débarquait émerveillé en Italie avec les troupes de Bonaparte. Le voilà, Bonaparte. La Chartreuse de Parme, Stendhal et l'Italie, c'est dimanche prochain dans Autant n'emporte l'histoire.